On s'achète, on se vend, au vent des hémisphères. On se jette, on se prend, contre un peu d'éphémère. Sur les toiles d'argent, le cerveau ou la chair, faudra choisir un camp, l'obscur ou la lumière. L'obscur ou la lumière. À l'arrière des cafés, au gré des verres de vin, dans nos cœurs la beauté, voit des coups, la jeunesse, de dessous les pavés. Tu me passes le joint, ont les grandes idées, dans le feu de l'ivresse. Il y a Martin, Elisa, qui me disent on y croit, dire qu'on avait des rêves. Rappelle-toi, oh. On s'achète, on se vend, au vent des hémisphères. On se jette, on se prend, contre un peu d'éphémère. Sur les toiles d'argent, solitaire, solidaire, faudra choisir un camp. Obscur ou la lumière. L'obscur ou la lumière.